le moi et le ça. Les recherches pathologiques ont, d'une façon trop exclusive, orienté notre attention vers ce qui est refoulé. Nous voudrions connaître un peu mieux le moi, depuis que nous savons qu'il peut lui aussi être inconscient au sens propre du mot. Jusqu'à présent, nous avons eu pour seul point de repère dans nos recherches la qualité consciente ou inconsciente des éléments psychiques, mais nous avons fini par nous rendre compte que c'était là une qualité aux significations multiples. Or, tout notre savoir est toujours lié à la conscience. Nous ne pouvons connaître l'inconscient lui-même qu'en le rendant conscient. Mais, halte là, comment cela est-il possible? Que signifie rendre quelque chose conscient? Comment s'y prend-on pour obtenir ce résultat? Nous savons déjà à quel point de départ nous devons nous attacher pour répondre à ces questions. La conscience, avons-nous dit, forme la surface de l'appareil psychique. Autrement dit, nous voyons dans la conscience une fonction que nous attribuons à un système qui, au point de vue spatial, est le plus proche du monde extérieur. Cette proximité spatiale doit être entendu non seulement au sens fonctionnel, mais aussi au sens anatomique. Aussi, nos recherches doivent-elles, à leur tour, prendre pour point de départ cette surface qui correspond aux perceptions.